ses projets. Il médite la guerre contre les Parthes. Il avait conçu pour l'embellissement et l'équipement de Rome, pour la sûreté et l'agrandissement de l'Empire, des projets de jour en jour plus vastes et plus nombreux. Il voulait avant tout construire un temple de Mars plus grand qu'aucun temple du monde, en comblant jusqu'au niveau du sol le lac où il avait donné le spectacle d'un combat naval. Il voulait aussi bâtir un immense théâtre au pied du mont Tarpeien. Il voulait condenser le droit civil et renfermer en un très petit nombre de livres ce qu'il y avait de meilleur et d'indispensable dans l'immense et diffuse quantité des lois existantes. Il voulait ouvrir au public des bibliothèques grecques et latines aussi riches que possible, et confier à Marcus Varron le soin d'acquérir et de classer les livres. Il voulait dessécher les marais pontins, ouvrir une issue aux eaux du lac Fucin, construire une route allant de la mer supérieure au Tibre, en franchissant la crête des Apennins. Il voulait percer l'isthme de Corinthe. Il voulait contenir les Daces, qui s'étaient répandues dans la Thrace et dans le Pont, porter ensuite la guerre chez les Parthes en passant par l'Arménie mineure, et ne les attaquer en bataille rangée qu'après avoir éprouvé leur force. C'est au milieu de ses travaux et de ses projets que la mort le surprit. Mais avant de parler de sa mort, il ne sera pas inutile de donner une idée succincte de sa figure, de son extérieur, de son habillement et de ses mœurs, ainsi que de ses travaux civils et militaires.